saches que je suis prête à tourner la page. Car s'attendre au pire est bien plus sage. Y'a des choses que l'on ne maîtrise pas et c'est bien dommage. Quand tu pourrais partir sans même me prévenir, car tu pourrais t'enfuir sans jamais revenir, car tu pourrais partir sans même me prévenir, car tu pourrais t'enfuir sans jamais revenir. Tous les efforts impossibles et inimaginables, mais l'amour s'en vient et s'en va dans guerre l'or. Bien souvent il nous arrive l'impensable. Voilà comment j'ai trouvé la solution pour être heureuse dans ma solitude.